Ouvir. Dans les rives à peine gelées des douloureux hivers, joue le désir du printemps et la fleur des champs. Muse nymphe, satyre de ces bois, ronde danse auprès des soupirs de l'eau vive. Gaiement ou triste, joyeux, des lutins de la fée dormante et du ciel bleu, et du ciel bleu.